Hey, hey, bébé Brown, jour j'ai la tempérance, Mamati, Gabi Zinga, In Service Express, Jean-Marie Mulato, Arika, Big SRC, yeah. Big Sona, Pointe-Coin, Mon Côté, Alain Saint-Pierre, Bache Guéba Romain, Les Arabes, Ma Maman Azandouem, Joua Gambela, Zimbango Yangou. Général de FAO, Yoka Kole la Fesa Montana Kamenga, sommet des sommets. L'obé langa y vérité, porte na yeba, Sokio linga kangai, madova ye, Talanga na kokondo, na souci pona yo, Bakomine kokana, Ovali mwisanga. Papa liboko na sablé. Makilo yoto sangisa ki epesi moto na mokili Innocent ya bato, toko